Ça te manque pas? Tu pourrais reformer un groupe avec les gars, chercher des dates? Non. Tu répètes, tu joues une soirée, et à la fin, tu repars avec quoi? $50 pour 4 musiciens? Parce que c'est l'argent qui compte maintenant. Malcolm est prof de musique dans un lycée de banlieue. Il vit dans un tout petit studio à West Hollywood et la moitié du public de ce soir, c'était des amis à lui. S'il est heureux comme ça, c'est le principal. Super. Tu parles une vie. Si ça lui plaît d'être prof de musique, je vois pas où est le problème. Non, il n'y en a pas. T'as raison. T'as raison.